الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inshallah sur notre lecture de ces hadiths, de ces récits prophétiques, ces récits de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qu'a recueilli et compilé l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Donc on va continuer, inshallah, sur l'explication de ces récits, en demandant à Allah jalla wa ala qu'il nous accorde la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc surtout en période de confinement, dans une telle période, donc le musulman et la musulmane doivent se faire du rappel, on doit s'exhorter réciproquement et mutuellement. C'est pour cela qu'il n'y a pas une plus belle chose de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Allah jalla wa ala et son prophète et sa religion. C'est pour cela que le musulman qui vit de telles circonstances en période de confinement, en période d'épreuve comme celle-ci, et comme on a dit dans des allocutions précédentes, pour les croyants, cela est une miséricorde. Ce que les musulmans vivent, il faut qu'ils le prennent bien et il faut qu'ils sachent que cela est une miséricorde. Et c'est pour cela qu'il faut patienter, même si parfois ça peut être difficile, ça demande de la patience, ça demande de l'endurance et de la persévérance. Et plus l'épreuve est difficile, et plus Allah Jalla wa Ala rétribuera ses serviteurs en conséquence. C'est pour ça, dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalah, fa man radiya falahu rida, wa man sakhita falahu sukht. » Le prophète, ensemble, dans un hadith qui est immense, il nous informe en nous disant que Allah, Jalla wa Ala, exalté soit-il, lorsqu'il aime un peuple, il éprouve. Que celui qui accepte cette épreuve-là, Allah l'acceptera. Et celui qui se mécontente, alors Allah sera mécontent de lui. Une traduction relative du sens de la parole de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui. Donc c'est pour cela, en période d'épreuve comme celle-ci, on demande à Allah Jalla wa Ala qui nous facilite à tous et à toute la communauté cette épreuve, alors il faut se rappeler et s'évoquer Allah Jalla wa Ala et sa religion. Et parmi les plus grandes adorations, puisque là les croyants et les croyantes vont se poser la question, en période de confinement, dans des périodes telles, quelles sont les adorations qu'Allah aime et agré? Quelles sont ces adorations qui nous rapprochent, qui sont des causes pour se rapprocher de notre Seigneur et arriver à la satisfaction et l'agrément de notre Seigneur? Parmi les grandes adorations, le fait d'apprendre cette religion, le fait d'apprendre la religion d'Allah, le fait d'apprendre à connaître notre Seigneur, à connaître son prophète et son messager, et à connaître la religion de l'islam. C'est ça le savoir, être en quête de savoir et de science, c'est ça. Apprendre la religion, c'est apprendre à connaître notre adoré, notre Seigneur, notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, celui à qui on voue ce culte pur. Et c'est aussi apprendre à connaître le prophète, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui. Et c'est aussi apprendre à connaître cette religion, la religion de l'islam. Et ça, ça fait partie des grandes adorations. Le fait d'apprendre cette religion, pourquoi ? Pour que le croyant ou la croyante adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, avec science et savoir. C'est pour cela qu'il est dit dans des récits que pour Iblis, pour le shaitan, pour le Satan, il est plus difficile de combattre une personne savante et qui a la connaissance de sa religion que 1000 adorateurs. C'est-à-dire que pour lui, une seule personne qui a une connaissance de sa religion et un savoir de sa religion, c'est plus difficile de l'égarer que 1000 adorateurs. Donc pour lui, un connaisseur, c'est pire que 1000 adorateurs qui adorent Allah sans connaissance et sans savoir, parce qu'ils ne sont pas sur une clairvoyance. Celui qui apprend sa religion, eh ben, il va connaître ce qu'Allah aime et agrée. Donc il saura quelles sont les actions qui le rapprochent d'Allah, et par contre, quelles sont les actions qui l'éloignent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les actions qu'Allah a interdites et ces actions qu'Allah n'agrée pas, et n'acceptent pas et n'aiment pas. Et c'est pour ça que la connaissance, c'est quelque chose de très important. Et nous, en cette période-là de confinement, eh ben, on saisit cette occasion pour se rapprocher de notre Seigneur en faisant l'une des plus grandes adorations qui est le fait d'apprendre cet héritage que le prophète Sansam nous a laissé. Sachez que le prophète Sansam n'a pas laissé d'héritage, c'est-à-dire de sorte qu'il n'a pas laissé d'argent plutôt, de biens et de fortune en héritage. Mais l'héritage plutôt qu'il a laissé, le prophète a laissé un héritage, et son héritage, c'est le savoir de la religion, la connaissance de la religion. Par exemple, ces hadiths que a recueilli l'imam al-Bukhari, qu'on est en train de lire et d'essayer d'apprendre et de comprendre. Ça, c'est l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a rapporté une histoire un jour, à l'époque des compagnons. Un homme est venu, il était au marché, et les gens étaient au marché en train de faire leurs courses. Et un homme est venu à eux et leur a dit, vous, vous êtes au marché, vous êtes en train de faire vos courses, alors que l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en train de se distribuer à la mosquée. Alors les gens accoururent, tous, à la mosquée, pour essayer d'avoir une part de cet héritage. Donc les gens ont tous couru, ils accoururent à la mosquée, et lorsqu'ils sont arrivés à la mosquée, il y avait un compagnon qui dispensait un cours, qui enseignait aux gens les hadiths du prophète, et qui leur enseignait la religion. Donc les gens, un peu étonnés, cherchaient, regardaient, contemplaient les quatre coins de la mosquée en cherchant l'héritage du prophète qui était distribué, alors qu'ils ne voyaient aucun héritage qui était en train de se distribuer. Alors ils interrogèrent la personne qui les a orientés vers la mosquée pour avoir une part de l'héritage du prophète, et il leur dit, voici l'héritage du prophète. C'est-à-dire ces hadiths-là, cette science et ce savoir-là de la religion qui étaient enseignés. Il leur a dit, c'est ça l'héritage du prophète, que vous êtes en train de manquer en quelque sorte. Donc l'héritage du prophète, c'est quoi? Le prophète n'a pas laissé de fortune après lui. Il n'a pas laissé de biens. Il n'a pas laissé d'argent. Mais ce qu'il a laissé, c'est la science et le savoir, la connaissance de la religion. Celui qui prend une part, qui apprend de cette religion, qui essaye d'apprendre des hadiths, qui essaie de comprendre des récits du prophète, ou bien qui lit le Coran, qui essaie de méditer le Coran, qui essaie de comprendre l'exégèse et l'interprétation de ces versets, alors là, il est en train de prendre une part de l'héritage prophétique, de l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, les héritiers du prophète, ce sont les savants. Ce sont ceux qui ont la connaissance de la religion, ceux qui connaissent Allah, ceux qui connaissent son prophète et qui connaissent la religion. C'est pour ça que ça, c'est une grande adoration. Et en telles circonstances, c'est une opportunité en réalité pour nous. C'est pour ça que c'est une miséricorde qu'on ait ce temps-là pour qu'on puisse apprendre notre religion, apprendre à connaître notre adoré, notre Seigneur, Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, et apprendre à connaître notre prophète et la religion de l'islam. À savoir que ces trois choses-là qu'on vient de mentionner, Allah, son prophète et la religion, ça sera les trois questions qui seront posées dans la tombe. Et c'est ça l'épreuve qu'on appelle fitnat al-qabr, l'épreuve de la tombe. C'est justement cela. Lorsque l'individu décédera et donc il sera enterré, ses proches vont l'enterrer, ensuite ses proches s'éloigneront, la terre sera enfouie sur lui, donc ça y est, il sera sous terre, enterré dans cette nouvelle demeure de l'au-delà. Et ça, c'est inéluctable, comme on a dit dans des précédentes allocutions. Chacun va vivre ces instants-là. Alors à ce moment-là, il sera assis, deux anges viendront à lui, deux anges. Dans des récits, il nous est dit que l'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et ces deux anges viendront interroger cette personne, ce défunt, en lui disant, quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que disais-tu de Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Donc trois questions, et c'est ça ce qu'on appelle fitnat al-qabr, l'épreuve de la tombe. C'est pour cela que c'est vraiment une opportunité pour nous, pour chacun d'entre nous, que ce soit les hommes de notre communauté, de notre nation, ou bien les femmes, d'apprendre cette religion, de la comprendre. Et de ce fait, on est en train d'élever notre rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la rétribution, ceux qui ont le savoir et la connaissance, qui apprennent la religion, ne seront pas semblables à ceux qui sont ignorants et qui n'apprennent pas la religion. Et la preuve de cela, c'est dans un verset du Coran. Allah jalla wa ala nous dit, La yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ceux qui connaissent ne sont pas semblables à ceux qui ne connaissent pas dans une traduction relative du sens du verset. Donc ceux qui apprennent la religion, qui comprennent la religion, qui s'instruisent, ils ne sont pas semblables. Pour cela, Allah dit, la yastawi, ils ne sont pas semblables et égaux, ceux qui apprennent et ceux qui ne savent pas, qui n'apprennent pas. Et dans un autre verset, regardez, ce qui prouve qu'Allah va élever le rang en degré de ceux qui s'instruisent dans la religion, Allah nous dit, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah, dans un verset, une traduction relative du sens de ce verset coranique, Allah dit, Allah va élever les croyants parmi vous et ceux qui ont acquis le savoir en degré. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala, dans un premier temps, a d'abord cité au début du verset, Allah va élever les croyants parmi vous. Ensuite, Allah Jalla wa Ala dit, et ceux d'entre vous qui ont acquis le savoir, la connaissance de la religion. Allah va les élever en degré, il nous dit. C'est pour ça que là, c'est une opportunité et une occasion pour essayer de se faire du rappel, de s'exhorter mutuellement et réciproquement. Et regardez par exemple dans un récit, dans un hadith du prophète qui est authentique. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous vanter les mérites de l'apprentissage et la connaissance de la religion, le fait d'apprendre. Dans un hadith immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man iltamasa tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah » Le prophète dans un hadith nous dit « Celui qui entreprend une voie, un chemin, dans l'apprentissage de la connaissance, de la religion, Allah lui facilitera une voie, un chemin vers le paradis. » Vous avez vu, celui qui veut le paradis, celui qui veut cheminer sur le chemin qui mène au paradis, alors le fait d'apprendre la science, ça a vraiment un grand mérite. C'est pour cela que le fait de se faire ce rappel-là et d'apprendre, eh ben, on est en train de faire quelque chose que notre Seigneur aime et agrée. Et il n'y a pas une meilleure manière de se rappeler notre Seigneur et d'apprendre la religion, si ce n'est à travers le livre du Seigneur, le Coran, ou bien à travers la lecture des récits prophétiques, des récits de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fois dernière, on avait terminé la lecture d'un hadith avec son explication, et là, on va commencer un nouveau hadith. Donc ce soir, dans ce nouveau hadith, on va avoir une bonne nouvelle. Surtout en période d'épreuve, le musulman, le croyant, la croyante veulent des bonnes nouvelles. Parce que parfois, les bonnes nouvelles, eh ben, ça remonte le moral des croyants. Et les croyants doivent toujours garder le moral et être optimistes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qui « Kana yuhib al-fa'l »« Kana mutafa'il » »« Al-fa'l » en arabe, c'est l'optimisme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait l'optimisme et que la personne soit positive. Et c'est pour cela qu'il nous est mentionné parmi les caractéristiques des prophètes, des envoyés d'Allah, Jalla wa Ala, et donc des messagers. Leur caractéristique, c'est qu'ils sont des annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment prochain. Ils ont ces deux caractéristiques dans leur appel, dans leur prédication. C'est-à-dire que les prophètes et les messagers, Allah les a envoyés en tant qu'avertisseurs d'un châtiment prochain et en tant qu'annonciateurs d'une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que eux, les croyants, eh ben, ils accueillent ces bonnes nouvelles avec réjouissance. Regardez pour le hadith qu'on va étudier ce soir. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous est rapporté, l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, nous rapporte, d'après Muhammad ibn Bashar, « Haddathana Rundar, Haddathana Shu'ba, An Abi Hassin al-Ash'ath, wal-Ash'ath ibn Sulaym, Sami'na Sami'a al-Aswad ibn Hilal, An Mu'ad ibn Jabal. Qala, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Qala, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم الحديث. Donc là je vous ai récité le hadith, le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam en arabe. Donc en traduction de ce hadith, le célèbre compagnon Mu'ad ibn Jabal, qu'on avait mentionné dans l'explication du hadith précédent, nous rapporte une histoire, un hadith qu'il a eu avec le prophète, alayhi salatu wa salam. Il dit alors qu'un jour qu'il était en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa salam, que les prières et la paix soient sur lui, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'interrogea, lui posa une question. Il dit, ô Mu'ad, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Alors le compagnon, Mu'ad ibn Jabal, répondit, Allah et son messager sont plus connaisseurs. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit c'est qu'il l'adore sans lui donner d'associé. Ensuite, le prophète sallam lui dit « Et connais-tu le droit de ses serviteurs sur lui ?» Alors le compagnon répondit « Allah et son messager sont plus savants. » Alors le prophète sallam répondit « Qu'il ne les châtie point, qu'il ne les châtie pas. » Et donc là, c'était un long récit que l'imam al-Bukhari ici a résumé en nous mentionnant une partie de ce récit, c'est-à-dire cette partie qui serait illustrante du chapitre, c'est-à-dire cette partie qui sera en relation avec le chapitre. Le chapitre concernant l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam au monothéisme et à l'adoration pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce hadith, une histoire qu'il y a eu entre Mouad, le compagnon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'interrogea. Et c'est une question, si on la médite, qui est immense, qui est énorme. On va apprendre quelque chose d'immense. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? C'est-à-dire les serviteurs, les croyants, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le droit d'Allah sur nous, c'est qu'on l'adore et qu'on lui voue un culte pur et exclusif, sans qu'on lui donne des associés, sans qu'il ait quelque forme de polythéisme ou d'associationnisme dans nos adorations. Et c'est pour ça, donc, on voit que le prophète, lorsqu'il a évoqué le droit d'Allah sur ses serviteurs, donc il mentionne deux choses. Première chose, c'est l'adoration. Et deuxième chose, c'est de s'écarter de toute forme de polythéisme. Que ce soit des formes de polythéisme à travers les propos, les paroles, des formes de polythéisme à travers nos convictions, ou des formes de polythéisme à travers nos œuvres et nos actions. Donc, le droit d'Allah, c'est qu'on l'adore, et qu'on lui voue un culte pur, et qu'on l'unifie dans l'adoration et dans nos convictions, et d'éviter toute forme de polythéisme. Le polythéisme, c'est lorsqu'on adore autre que lui. Ou bien, on adore Allah, et avec lui, on adore autre que lui, en dehors de lui. Et donc, c'est pour cela que le droit du Seigneur, c'est qu'il nous a créé, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui octroie notre subsistance, qui gère et qui administre cet univers, c'est lui qui donne la vie et la mort, c'est lui qui nous a donné tous ses bienfaits, il nous a comblé de tous ses bienfaits, donc c'est lui qui mérite l'adoration. Le droit qu'il a, c'est qu'on lui voue l'adoration exclusive. Donc nos prières, nos rites, nos sacrifices, nos pèlerinages, notre jeûne, le jeûne surrogatoire, bien le jeûne du Ramadan, toutes ces adorations-là ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grandes adorations, par exemple, l'invocation, le fait de l'invoquer. On ne peut invoquer que lui, subhanahu wa ta'ala, implorer son pardon. Tout ça, ça fait partie des adorations. C'est-à-dire, ce sont des œuvres et des actes qu'Allah aime et agrée. Et dont il nous a commandé de les observer pour lui. Et donc, ces adorations-là ne doivent pas être vouées à autre que lui. Pourquoi? Parce que vouer ces adorations-là, c'est ça ce qu'on appelle de l'associationnisme et du polythéisme. Et donc, le droit d'Allah, c'est vraiment de lui vouer un culte pur. Donc nos convictions, il ne faut pas qu'elles soient entachées par des convictions de shirk, de polythéisme. Par exemple, le fait de croire que le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de penser qu'il y aurait un créateur avec lui, associé avec lui dans la création, et bien ça c'est du polythéisme. Et ça c'est du shirk, et c'est le plus grand péché dans la religion musulmane et de l'islam. Et par exemple, le fait de penser qu'un autre que lui connaît la science de l'inconnu. Personne connaît la science de l'invisible, c'est-à-dire ce qu'il se passera dans le futur. Seul Allah Jalla wa Ala connaît cela. C'est pour ça que le croyant, le musulman, la musulmane ne croit pas aux voyants et aux devins. Pour nous, tout cela, ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans. Seul Allah connaît la science de l'inconnu et de l'invisible. C'est pour cela que le croyant ne croit pas en toutes les superstitions. Il ne croit pas aux sorciers, aux sorcières, aux charlatans, aux devins et autres. Et malgré que cela, on voit que dans de nombreuses contrées dans les pays musulmans, cela s'est propagé. Le fait que beaucoup de musulmans accordent foi à des devins, à des sorciers et autres. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui va chez un voyant, qui l'interroge et qui croit en ce que dit ce voyant, il a certes mécru à ce qui a été descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela. Donc il est défendu d'aller chez les devins, chez les voyants, chez des sorciers et de croire en ce qu'ils disent. Personne ne connaît le délai, le terme de votre vie. Personne ne connaît la date du décès d'un autre individu. D'abord, ils ne connaissent même pas leur propre délai et leur terme. Donc personne ne connaît son délai, son terme. Pourquoi? Parce que cela fait partie de la science de l'inconnu. Par exemple, la fin du monde. Personne ne connaît réellement la date, à quel moment viendra La fin du monde. Pourquoi? Parce que cela fait partie de la science de l'inconnu. Le prophète Ansem lui-même ne connaissait pas cela et ne prétendait pas cela. Dans un récit, nous est rapporté, par exemple, que Jibril, l'ange Jibril, qui est l'un des anges les plus rapprochés de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est l'intermédiaire entre Allah et les différents prophètes et messagers. L'ange Jibril lui-même ne connaît pas le moment où viendra l'heure. La fin des temps. L'ange Jibril lui-même ne connaît pas cela. C'est pour cela qu'il nous est rapporté qu'un jour Jibril vint au prophète sallam à l'apparence d'un être humain, alors que le prophète sallam était en compagnie de ses compagnons. Et parmi les questions que posa Jibril alayhi salam, que la paix soit sur lui, au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc il l'interrogea au sujet de l'islam, au sujet de l'iman, et il l'interrogea au sujet des signes de la fin des temps. Et parmi les questions aussi, il l'interrogea au sujet de l'heure. À quand est-ce que l'heure? Quand est-ce que viendra l'heure? C'est-à-dire la fin des temps, la fin de ce monde. Et regardez cette réponse sublime et immense de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. En quelques mots, il lui dit: l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à l'ange Jibril que lui-même, il ne sait pas cela, et que il sait que Jibril, aussi alayhi salam, l'ange rapproché pourtant d'Allah, ne connaît pas cela. Personne ne connaît cela. Donc celui qui prétend avoir la connaissance de cela, regardez, il est en train de s'associer au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit en cela, donc il donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en bref, le prophète sallam nous dit que le droit d'Allah, c'est de l'adorer lui seul, sans lui donner d'associé. Par exemple, cette pratique qui se passe souvent et dans de nombreuses contrées, parfois dans de nombreux villages reculés, dans nos pays, que ce soit en Afrique du Nord ou bien en Afrique centrale, eh ben on voit que dans beaucoup de villages, par exemple, il y a des cimetières avec des tombes, où il y a des mausolées, des édifices qui sont érigés au-dessus de ces tombes. Donc ensuite, ça devient des lieux de prière, des lieux d'adoration, des lieux de recueillement, de stationnement. Donc ces tombes-là deviennent des mausolées, des édifices, des dômes, où il y a des coupoles, et les gens, ensuite, lorsqu'ils ont des demandes, des implorations, ils vont vers l'occupant, visiter l'occupant de cette tombe, ce défunt, en pensant que c'est un saint. Donc en arabe, ils appellent ça le wali. Le wali Sidi Abd al-Qadr, par exemple, ou Sidi Ibrahim, par exemple. Ils vont chez le wali, et là, ils commencent à invoquer le wali, à lui faire des demandes. S'ils ont un enfant qui est malade, ils ramènent l'enfant devant la tombe, devant le mausolée, devant ce dôme, et ensuite, ils implorent. Et ils invoquent ce wali. Tout ça, c'est des formes de polythéisme. Pourquoi? Parce que dans un hadith, ce prophète sallam nous dit que l'invocation, c'est l'adoration. Donc l'invocation, c'est une adoration qui ne doit être vouée exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'invoquer autre que lui. Nos demandes ne sont que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez faire des demandes, surtout en période comme celle-ci où on est éprouvé, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et n'invoquer que lui. C'est pour ça, dans un verset du Coran, Allah nous dit dans un verset: Fala tad'u ma'allahi ahada. N'invoque personne en dehors de lui. N'invoquez personne. Que vos demandes soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous ne serez jamais déçu. Celui qui se recueille, qui est vraiment sincère, qui se concentre et qui est certain, qui a la certitude dans son cœur lorsqu'il invoque Allah, Jalla wa ala, qu'Allah répondra et qu'Allah entend ses demandes, Allah yestajib. Allah yestajib lahu. Allah lui répondra, exaucera sa demande. C'est pour ça que là, on a une très bonne nouvelle dans ce hadith du prophète, qui est très court dans cette exhortation. Mais regardez cette bonne nouvelle qu'on a pour ce soir, pour se remonter le moral et trouver une sorte de motivation. Donc, le prophète a enseigné à ce compagnon et à toute la communauté quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Ensuite, il lui dit: maintenant, quel est le droit des serviteurs sur leur Seigneur? Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait qu'on a un droit sur lui subhanahu wa ta'ala. Et notre droit, c'est que si on l'adore, on lui voue un culte pur, en pratiquant l'unicité, sans lui donner d'associé, sans lui donner quelque forme de polythéisme ou d'associationnisme, alors Allah dit que notre droit, c'est qu'il ne nous châtie point. Il ne châtie pas. C'est lui qui l'adore dans cette vie d'ici-bas, sans lui donner des associés, que ce soit dans nos convictions, dans nos propos, dans nos œuvres, dans nos actions. C'est pour ça que le musulman doit apprendre, doit apprendre comment adorer Allah et quelles sont ces adorations-là qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré. On ne peut pas adorer Allah comme bon nous semble. C'est pas à nous d'inventer des adorations, comme beaucoup ont fait dans les communautés précédentes. Mais le prophète a été envoyé de la part d'Allah pour justement sa fonction, c'était de nous enseigner comment, de nous transmettre comment Allah Jalla wa Ala veut qu'on l'adore et quelle est cette adoration qu'Allah agrée. Si on pratique ce monothéisme-là, c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, regardez, a dédié un chapitre à ce sujet-là, ce thème-là, qui est l'unicité. Si on pratique l'unicité, cet objectif et ce but pour lequel Allah Jalla wa Ala nous a créé, nous a mis sur terre, alors Allah Jalla wa Ala, si on pratique son droit envers lui, notre droit, ensuite, qu'on a, alors, c'est qu'il ne châtie point celui qui avouait un culte pur. Et regardez dans un verset, dans le verset 54, dans le verset 54 de la sourate Les Bestiaux. Allah Jalla wa Ala nous dit, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il s'est imposé à lui-même la miséricorde et la clémence. C'est quelque chose d'immense. Le terme littéral en arabe qui est mentionné dans le verset, Allah dit kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Là, le shir ici, les savants nous expliquent kataba, c'est dans le sens aoujaba en arabe, aoujaba. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala s'est imposé à lui-même. Il s'est rendu obligatoire. Il s'est imposé quoi? La miséricorde, la clémence. Annahu man amila minkum su'a bi jahala thumma taba min ba'di wa aslaha fa innahu ghafurun rahim. Regardez, Allah nous dit, pour celui qui a fait une mauvaise action par ignorance, ensuite il se repentit et il se réforme, il s'améliore, fa innahu ghafurun rahim. Allah nous dit kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Donc Allah s'est imposé la miséricorde et la clémence pour ses serviteurs. Annahu man amila minkum su'a بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Et c'est pour cela que c'est une grande et immense nouvelle que le prophète sallam nous informe ici et nous enseigne que si on pratique le droit d'Allah Jalla wa Ala, alors notre droit envers lui c'est qu'il ne châtie point ses serviteurs. C'est pour cela qu'il faut faire attention aussi à nos paroles. On voit beaucoup de musulmans, beaucoup de jeunes de la communauté, beaucoup de jeunes malheureusement, ils profèrent parfois des paroles qui sont des paroles de polythéisme, de shirk. Et à savoir que le shirk, le polythéisme, se divise en deux catégories. Il y a un grand polythéisme, des grandes formes de polythéisme, et il y a des polythéismes qui sont des petites formes. C'est ce qu'on appelle le polythéisme mineur, l'association mineure. Et parfois qui se fait à travers nos paroles. À travers nos paroles. Par exemple, le fait de jurer par un autre Kaaba. Cela est interdit dans la religion, de jurer par un ascendant ou bien un descendant, par exemple. Le prophète sallam dans un hadith dit la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyarda man hulifa lahu billahi falyarda wa man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda. Le prophète sallam dans un hadith nous dit ne jurez pas par vos ancêtres, c'est-à-dire il faut pas jurer par ses grands-pères, ses aïeux, ses arrière-grands-pères, par ses parents, que ses parents ou ses grands-parents ou ses aïeux, ses ancêtres soient vivants ou bien décédés. On ne jure pas sur la tête des mères, sur la tête des pères, sur la tête des grands-mères, même sur les tombes, comme beaucoup disent, sur la tombe de ma grand-mère, de mon grand-père, ou de ma mère défunte, ou bien de mon père. Tout cela est interdit. Et ça fait partie des petites formes de polythéisme, tant qu'il n'y a pas de conviction. Mais, à savoir que, malheureusement, beaucoup de jeunes de notre communauté, c'est pour ça qu'il faut enseigner, il faut apprendre cela aux nouvelles générations, aux enfants, que lorsqu'ils veulent faire un serment, ils le font par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam dit man halafa bi ghayrillahi faqad kafar aw ashrak, que celui qui jure par un autre qu'Allah, alors il a certes commis un acte de polythéisme, d'idolâtrie, d'associationnisme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Lorsqu'on jure, on jure par Allah. Et ça peut se faire de trois manières en langue arabe. On peut dire wallahi, lorsqu'on dit wallah, on a juré par Allah. Ou bien on peut dire billahi ou tallahi. On peut dire de trois manières pour jurer par Allah. On dit wallahi ou billahi ou tallahi. Dans la langue arabe, on peut jurer de ces trois manières. Donc celui qui veut jurer ne jure pas sur ses enfants, il ne jure pas sur ses parents, ni sur les ascendants, ni sur les descendants, ni sur la tombe d'un tel, ni sur un saint, ni sur un prophète, ni sur un ange. Même si cet ange est l'ange le plus rapproché d'Allah, comme Jibril ou Mikaïl, on ne jure pas sur les anges. ni sur les prophètes, ni sur les messagers, ni sur nos parents, ni sur la tombe d'un tel, ni sur le prophète Mohammed, mais on ne jure que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que le prophète nous a enseigné. Ensuite, l'imam al-Bukhari va citer un autre hadith, un hadith qui est immense. Alors, il nous cite, dans un nouveau hadith, il nous dit que c'est un récit que le compagnon, un compagnon qui s'appelait Abu Sa'id al-Khudri, il dit, un jour, il a entendu un homme. Sami'a rajulan yaqra, il lisait la sourate qui est connue, la sourate al-Ikhlas. Sourate al-Ikhlas, de la pureté, de la sincérité. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et cet homme-là répétait, il l'a répété longuement. Alors il disait la sourate Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il répétait cette sourate sans cesse. Alors, lorsqu'il vit cet homme l'a répété, alors le lendemain matin, un beau matin, l'homme qui le vit faire cette chose-là, alla visiter le prophète, pour poser la question au prophète, au sujet de ce qu'il a vu, de cet homme qui ne faisait que répéter la sourate al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Alors, lorsqu'il se rapprocha du prophète, un beau matin, il interrogea le prophète, au sujet de cet homme qui répétait la sourate qu'on appelle en arabe al-Ikhlas, qu'on pourrait traduire par la sourate de la pureté, par exemple, ou de la sincérité. Alors, le prophète, dit à cet homme, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Donc regardez, le prophète ici fait un serment, il jure, par Allah. Parce que celui qui détient l'âme de ses serviteurs, de ses créatures entre ses mains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le prophète va faire un serment par Allah. Walladhi nafsi biyadi, innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Le prophète va dire, par celui qui détient mon âme entre ses mains, cette sourate représente le tiers du Coran. Est équivalente au tiers du Coran. Donc le prophète, en somme, nous apprend une chose qui est immense, c'est qu'il nous dit que la sourate, al-Ikhlas, qui est connue par les musulmans qui sont âgés ou bien jeunes, par les enfants, cette sourate s'apprend, les musulmans l'apprennent, c'est l'une des premières sourates qu'on apprend avec sourate al-Fatiha, donc la majorité des musulmans, tous mémorisent cette sourate, et bien celui qui a appris cette sourate, qui la mémorise, qui la comprend, qui la médite, sachez que le prophète, en somme, nous mentionne les bienfaits de cette sourate, le rang de cette sourate, c'est qu'elle représente l'équivalent du tiers du Coran. Et ça, c'est une information de notre prophète qui est immense. Pourquoi ? Parce que les sens de cette sourate sont immenses. Sachez que les savants nous enseignent, et le cheikh va nous expliquer ici, cheikh Al-Taymin, que lorsqu'on observe le Coran, les versets du Coran se divisent en trois catégories. Il y a des catégories qui parlent de ce qu'on appelle l'ahkam, des lois d'Allah, des lois religieuses, de la législation islamique. On a des versets qui sont akhbar anillahi jalla wa ala, qui sont des informations au sujet de notre Seigneur, qui traitent, qui nous enseignent au sujet de notre Seigneur, qui traitent le sujet des noms sublimes et des attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a d'autres versets qui nous informent au sujet de la création, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet aussi de la création des cieux, de la terre, de toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi bien on a des versets qui traitent le sujet des lois religieuses, on a des versets qui traitent qui mentionnent ici les noms et les attributs sublimes d'Allah, qui nous informent au sujet du Créateur, et des versets qui nous informent au sujet de la création. Et les savants nous disent que cette sourate-là, eh ben, renferme ces trois thèmes et ces trois sujets-là. Ces trois choses qu'on vient de mentionner précédemment sont renfermées dans la sourate al-Ikhlas. C'est une sourate qui est immense. Pour ça, les savants, ils ont dit qu'une personne, par exemple, qui veut la répéter, cela est permis. Est-ce qu'on aurait le droit, par exemple, de lire Qul huwallahu ahad plusieurs fois et de la répéter 10 fois, 20 fois? Cela est permis. Et c'est connu chez les savants, parfois, les savants, que lorsqu'ils se réveillaient, par exemple, pour prier Allah, prier cette prière qu'on appelle nocturne, ils se réveillaient la nuit pour prier Allah ou bien dans des prières surrogatoires, c'est connu que les grands savants, dans les générations précédentes, eh ben, s'asseyer, parfois répéter cette sourate. Il répète ou bien des versets du Coran, ou bien d'autres sourates du Coran, et il les répète à plusieurs reprises. Donc le fait de répéter, par exemple, sourate al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et bien cela est permis, voire même conseillé. Par contre, ce que les savants défendent et disent qu'il ne faut pas faire, c'est avoir l'habitude d'émettre un nombre bien précis. Par exemple, de dire tous les matins, je me réveille, je vais la réciter 100 fois. Ou après chaque prière du Asr de l'après-midi, je vais la réciter 200 fois, ou 100 fois par exemple, ou 50 fois. D'émettre un nombre bien précis, à un moment bien précis. Par contre, cela, c'est défendu. Pourquoi? Parce que là, on est en train d'instaurer une adoration qui n'est pas légiférée. Par contre, à des moments non précis, avec un nombre qui n'est pas précis, le fait de la lire 10 fois, 20 fois, des occasions, comme on le désire, sans que ça soit une habitude, mais choisir un nombre que 10, 20, 30 ou autre, mais sans faire une habitude à des moments bien précis, cela est permis. Donc faire la distinction en ce qui rentre dans le domaine de l'innovation, El Bida, est-ce qui est permis et légiféré. Donc cet homme, lui, il répétait constamment « Qulou Allahu Ahad ». Donc « Qulou Allahu Ahad », il nous est rapporté dans des récits qui nous mentionnent la cause de cette sourate, la cause de cette sourate. Il est dit qu'à l'époque, les polythéistes avaient demandé au prophète, avaient interrogé le prophète, lui avaient dit « Unsublana Rabbek ». Décris-nous la généalogie, cite-nous la généalogie de ton Seigneur, c'est-à-dire l'origine de ton Seigneur. Pourquoi? Parce que les polythéistes, eux, se vantaient de leurs idoles, puisque c'était des idolâtres et ils adoraient de nombreuses idoles. Et eux se vantaient de leurs idoles et ils se vantaient de connaître l'origine et la généalogie de leurs idoles. À titre d'exemple, une idole qui était connue à la Mecque et dans la péninsule arabique, qui était adorée par les polythéistes arabes, par le clan du prophète, à l'époque du prophète, par exemple, celle qui s'appelait El-Lat. Et El-Lat, l'origine de cette divinité, à l'époque, ils disent que c'était un homme. C'était un homme qui était connu, qui était célèbre, et que lui alimentait et nourrissait les pèlerins. Vous savez, même à l'époque pré-islamique, de Jahiliya, les gens pratiquaient le pèlerinage. Ils faisaient le pèlerinage à la Mecque. Même les polythéistes, avant l'époque du prophète, aussi pratiquaient le pèlerinage. Et cet homme-là, par exemple, El-Lat, il était connu que lui, lorsque les pèlerins venaient, alors il nourrissait les pèlerins. Et il avait une sorte de mets, une alimentation qui était faite, c'était un mélange de pain et de dattes. Un mélange de pain et de dattes. Et il nourrissait les pèlerins avec ce mets-là, ce mélange de pain et de dattes. Et donc, plus tard, après son décès, les gens voulaient se remémorer le bienfait qu'il faisait. Alors, ils ont érigé à son insu, pour lui, pour sa personne, une statue, une idole, qui plus tard, ils ont adoré. Que plus tard, ils ont adoré. Et donc, ça, c'est l'origine de El-Lat. C'est pour ça que les polythéistes interrogent le prophète au sujet de la généalogie du Seigneur. Et c'est là, quand il est rapporté dans des récits, que Allah, Jalla wa'ala, lui a révélé cette sourate au prophète, en lui disant « dis ». Pour ça, au début de la sourate, lorsqu'il est dit « qul », en arabe, ça veut dire « dis ». C'est un impératif du verbe « qala yaqul ». Donc, Allah, Jalla wa'ala, commande au prophète, en somme, lui ordonne de dire. Il lui dit, dis. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah est unique. Lam yalid wa lam yulad. Ni n'a engendré, ni n'a été engendré. Allah n'a ni enfanté, ni n'a été enfanté. Wa lam yakun lahu kufwan ahad. Et rien n'est comparable et égal à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez vu, c'est une sourate qui est immense parce qu'elle nous décrit notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الصمد. Traduction littérale et approximative, c'est beaucoup traduit par l'absolu Allah qui est l'absolu subhanahu wa ta'ala. Et الصمد fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Et ce qui mentionne les grands mérites de cette sourate, c'est qu'il nous est dit dans un récit que certains savants jugent bon, certains savants jugent que ce récit remontant du prophète est bon. Dans un hadith, le prophète Sassam nous dit, celui qui récite 10 fois la sourate « Qul huwallahu ahad », alors Allah bâtira pour lui un palais au paradis. Regardez la miséricorde d'Allah, regardez le bienfait de cette religion. C'est pour ça, en période de confinement, en période de cette épreuve, eh ben, le fait de connaître ces choses-là pour pouvoir savoir comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, قل هو الله أحد cette sourate, si elle est dite 10 fois, Allah Jalla wa'ala bâtit un palais au paradis pour cette personne-là. Dans le hadith suivant, qu'on va essayer d'étudier dans la prochaine allocution, on a un autre hadith aussi qui nous vante les mérites de cette sourate qui est immense, que la majorité des musulmans connaissent. Et bien regardez cette sourate. Un jour, il est rapporté que le prophète avait envoyé des compagnons dans une expédition en voyage. Et l'émir de ce voyage que le prophète avait nommé et mandaté, alors lorsqu'il dirigeait les prières, à chaque fois, il terminait sa lecture par la récitation de « Qul huwallahu ahad ». Alors, les gens s'étonnèrent. Ils étaient étonnés. À chaque fois, à la dernière raka'at, alors, il terminait sa lecture en récitant Qulhu Allahu Ahad. Et cela à chaque prière. Chaque prière, il terminait sa lecture en disant Qulhu Allahu Ahad à la dernière raka'at. Alors, ils interrogèrent le prophète lorsqu'ils sont revenus. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait cela. Alors, lorsqu'ils ont demandé à cet homme, pourquoi est-ce que tu fais cela? Il dit, parce qu'elle décrit le miséricordieux. Elle décrit notre Seigneur le miséricordieux. Alors, j'aime réciter cette sourate. Alors, lorsqu'ils ont informé le prophète, alayhi salatu wa salam, au sujet de la réponse de cet homme, le prophète dit, informez-le qu'Allah l'aime. Comme il a aimé cette sourate, Allah l'aime. Et regardez, et ça c'est quelque chose d'immense. Combien de gens dans cette vie d'ici-bas prétendent, tout le monde prétend aimer le Seigneur. Enfin, la majorité des gens qui sont dans la religion, qui croient en Allah, prétendent aimer Allah, Jalla wa Ala. Mais l'important, ce n'est pas seulement de prétendre l'amour, mais l'important, c'est d'être aimé de notre Seigneur. Si Allah vous aime, alors vous aurez le bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah va vous accorder une félicité. Votre vie d'ici-bas sera un bien et votre au-delà, il y aura un bien qui sera éternel. Donc l'important, c'est que notre Seigneur nous aime. Et bien regardez, cette sourate que les musulmans maîtrisent et apprennent et connaissent, et bien c'est la cause pour qu'Allah Jalla wa Ala nous aime. Comme ce compagnon aimait cette sourate, le prophète a dit « informez-le qu'Allah l'aime ». C'est quelque chose vraiment, vraiment d'immense et c'est un grand rappel. C'est pour cela que pour terminer, et on continuera dans l'allocution demain sur les mérites de soi et de s'exhorter de se faire du rappel sur ça, c'est très important. Regardez, le prophète s'en sème à chaque fois qu'il concluait les prières de la journée. Vous savez qu'il est, il est de la sunna du prophète, c'est simple de conclure les prières de la journée avec une prière impaire. Et bien, il concluait ça, ces prières de la journée avec, que ce soit, on peut les conclure à la fin de la soirée après Salat al-Isha ou bien dans la nuit avant l'arrivée de l'aube, avant le lever de l'aube et de l'aurore. Et bien, lorsqu'on conclut nos prières avec une prière impaire, que ce soit une rak'at, une unité de prière, ou bien trois, ou bien cinq ou plus, et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec Qul huwallahu ahad. Souvent avec Qul huwallahu ahad. Regardez les deux unités de prière surrogatoires de l'aube. Lorsque l'aube se lève, on fait deux unités de prière surrogatoires. Le prophète, à la deuxième unité de prière, il priait avec Qul huwallahu ahad. Regardez les deux unités de prière lorsqu'on fait le pèlerinage ou le petit pèlerinage à l'Umrah et on fait un tawaf. On fait un tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, on tourne autour de la Kaaba. Ensuite, on fait deux unités de prière. Derrière le maqam, la station d'Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et donc, on prie deux unités de prière. À la deuxième rak'at, on prie avec Qul huwallahu ahad, avec cette sourate qui est immense. Le prophète ne l'a jamais délaissé. Même avant de dormir, le prophète l'a récité trois fois, avec les deux dernières aussi. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Le prophète récitait cela avant de dormir, lorsqu'il se réveillait parmi les invocations du matin. Et il n'y a pas meilleure protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il n'y a pas meilleure protection de se protéger. C'est pour cela qu'il est recommandé de réunir ses deux mains, de crapoter sur ses deux mains trois fois et de lire ces trois sourates. Et ensuite de s'essuyer le corps et de faire cela à trois reprises lorsqu'on veut dormir. Et ça, c'est une protection. Il n'y a pas meilleure protection que cette manière-là. Il est même rapporté, Aïcha nous rapporte, que même le prophète, lorsqu'il était malade, il était au chevet de la mort, de la maladie qu'il a, où le prophète, sallam, ensuite, est décédé. Et le prophète, sallam, n'a pas délaissé cette pratique-là, le fait de lire cette sourate, Qul huwallahu ahad, et les deux dernières sourates qui sont protectrices, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à un moment où il était faible, il ne pouvait pas le faire, c'est Aïcha qui lui a fait pour lui. Donc le prophète, même avant de mourir, n'a jamais délaisser cette pratique-là. On va terminer sur ça en demandant à Allah Jalla Wa'ala qui nous facilite cette épreuve à toute la communauté, qui nous facilite cette épreuve et qu'il nous raffermisse ici-bas et qu'il fasse de nous des adorateurs pieux et vertueux ainsi que les prochaines générations et qu'il nous facilite dans cette vie d'ici-bas, qu'il nous accorde le succès et le triomphe dans cette vie d'ici-bas, qui facilite à toute la communauté. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. On l'implore qu'il nous pardonne toutes nos fautes et tous nos péchés. Et à une prochaine allocution, inshallah, avec la permission d'Allah, wallahu a'lam, wa billahi at-tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.